de France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un lieu, l'atelier d'un dessinateur scénariste. Un atelier dans une maison isolée, la mort du dessinateur scénariste qui eut le privilège d'être à la fois l'auteur, l'interprète et le metteur en scène de son opéra de papier, Edgar P. Jacobs. La maison, l'atelier, des lettres, des maquettes de décors, des costumes, le travail, la nuit. Ce n'est donc plus Edgar P. Jacobs qui recevait Jean Dève dans cette émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 août 1987, mais l'ancien coloriste de cet artiste. Tout cela au bois des pauvres. Edgar P. Jacobs, Le bois des pauvres. Sitôt qu'on s'installe dans un bon endroit, vous savez ce qu'on fait ? On s'endort. Ou bien on commence à distraire, on regarde une petite mouche qui vole, et puis un insecte, puis un papillon. On fait tout, mais sauf se concentrer, c'est impossible. Ça, c'est une chose. Si vous voulez faire du travail, il faut l'atelier et s'enfermer. Mystérieux, secret, l'auteur de la marque jaune s'était retiré dans une étrange maison de campagne. Protégé par le paysage d'arbres et de prés du bois des pauvres, Edgar P. Jacobs avait dessiné là des images étonnantes du premier tome des trois formules du professeur Sato. Nous allons au bois des pauvres, dans votre voiture. Non, je n'ai pas encore lu. Tenez, prenez la loupe, je vous laisse le plaisir de le déchiffrer. Et très bientôt, nous allons découvrir la voix d'Edgar Jacobs. Oui. Hi, Joe. Ici, donc, c'est le disque, écoutez, c'est... L'immense trésor. Mortimer, qui parle donc à... Naturellement, je suis attentif à la route, vous comprenez qui parle donc au professeur Abdul, donc dans le mystère de la Grande Pyramide. Et voilà Jacob. Tout le monde a été pris dans cette histoire-là. Ils ont tous cru. Moi-même, j'ai été pris. Mais il y a des types qui étaient au musée du Quai et qui ont demandé au gardien où se trouve la pierre de Manhattan. Ne voulant pas perdre la face, il a dit je ne sais pas, je crois qu'on l'a déplacée pour le nettoyer. Et c'est authentique, c'est vrai, c'est vrai. Alors là, vous venez d'entendre Edgar P. Jacobs lui-même commentant un épisode du mystère de la Grande Pyramide. Alors, Philippe Birley, est-ce que vous pouvez resituer un peu cet épisode, le manuscrit et puis la pierre de Manhattan ? Le manuscrit, donc, c'est un professeur grec qui a écrit tout, et c'est une pure invention donc, de Jacobs, qui a mystifié les gens. Et la pierre alors, également. Le bois des pauvres est à combien de kilomètres ? Il faut compter, ça dépend, parce que le bois est fermé le week-end. Et ça, il faut compter une 30 km plus ou moins. Donc, on découvre normalement, il y a 69 km aller-retour. De chez moi, de porte à porte. Il y a un mystérieux champ qui se trouve en dessous d'une chambre de russe, oui. Mais au départ, on ne sait pas où elle se trouve, donc on fait des recherches. Je vais prendre par le bois, mais par un autre endroit, parce qu'ici, ils ferment pour les piétons. Ils font le bois pour les piétons le week-end. Et les touristes, pour qu'ils puissent se promener. Ce qui est le plus amusant, c'est que les touristes, quand ils vont là-bas, demandent où se trouve la chambre de russe. Ça, c'est la chambre de Waterloo. Donc, ils vont l'entendre à Waterloo. Qui raconte cette anecdote. Et il faut rappeler que, de toute façon, il y a une base historique à cette histoire et que, encore très récemment, deux architectes français de la forêt région, de Soignes, cette forêt très connue qui était avant, autour de Bruxelles. Maintenant, ils ont fort rasé. Du travail du coloriste que vous faites maintenant pour ces rééditions, parce que on veut les mettre sur du papier, un papier de meilleure qualité. Il y a un problème. Nous y sommes. Oui, voilà donc le bois des pauvres et la porte d'entrée ici où Edgar nous accueillait toujours. Philippe Biermé. Et maintenant toute cette maison est vide, tout a été enlevé et c'est assez désolant de voir ça. Hein. Et ça, c'était tout son. Quand il faisait beau, on se mettait ici sur la terrasse, et avec des chaises, des boissons, enfin, c'était. Et on restait à discuter, comme ça. Et donc, tout ça, c'est son bois ici, il est entouré d'un bois. Et il a plus ou moins un peu plus de 2 hectares de terrain qu'il protégeait du monde. Et parce qu'il se protégeait très fort, Puis il était toujours à travailler sans cesse. Et ben voilà, c'est difficile. Quand on se retrouve ici, c'est assez émotionnant parce que quand on a pendant des années, on est venu ici, il était là à la porte et que maintenant il n'y est plus, c'est un peu émouvant de voir ça, cette porte fermée comme ça, et que plus jamais il ouvrira la porte et il nous accueillera quoi. Ça c'était très. Tout le monde peut dire ça, même quand on part, il était là, très souriant, il disait au revoir. Et c'était vraiment de très bons souvenirs que nous avons. Et, ben, vous voyez cette maison qui va partir, maintenant on ne sait pas où, puisque elle sera vendue et avec tous les souvenirs ici. Bon. Quand je suis revenu d'Égypte, je suis arrivé ici. J'ai d'abord été sur sa tombe parce que j'étais décédé une semaine avant que je rentre. Et comme je ne savais pas rentrer à cause qu'il n'y avait pas moyen d'avoir un avion, étant donné qu'il y avait beaucoup de touristes et tous les avions étaient pris, que même Cérès a dû prendre un avion une semaine après moi à cause qu'il n'y avait pas moyen de rentrer. Et je suis arrivé ici, et moi j'avais demandé avant de partir, sachant ce qui allait arriver, qu'on mette les scellés surtout, de façon à protéger les biens, et surtout pour la fondation, parce qu'il y avait une grande partie des originaux, c'est-à-dire, il restait les calques, les dessins, les croquis, ces dessins d'enfance, tout ce qui faisait partie, au fond, d'avant la guerre, et pendant la guerre, mais tout ce qui était après, les originaux se trouvaient dans les coffres de la banque. Donc là, il n'y avait pas de problème, mais c'est tout le reste qu'il y avait. Et quand je suis arrivé ici, il y avait donc le beau-fils qui était occupé à tout vendre. Déjà, le jour de l'enterrement, il avait vendu la voiture de Jacobs. Et c'était vraiment triste à voir. Quand je suis rentré là, tout était. Il y avait des papiers partout, des lettres de Jacobs par terre. C'était vraiment comme si un voleur était venu. Et moi, je me suis fâché parce que c'était une impression. Je me suis révolté, j'ai engueulé le beau-fils. Et je lui ai dit, écoutez, il n'est pas encore froid et vous commencez déjà à tout liquider comme ça. Il dit, oui, je dois vendre tout, vite, parce que je dois payer les droits. Et je dois payer 78% quoi, de droits de succession n'étant pas héritier direct. Alors, je dois vendre. Et il n'arrive pas d'ailleurs à vendre la maison. Donc, lui, hérite de la maison et du terrain, et tout ce qui est meubles, mais meubles fonctionnels, c'est-à-dire qui arme. La fameuse armure, que va-t-elle devenir ? Ah, ça se trouve dans le coffre maintenant de la fondation. Donc en enlevant encore, on voit peut-être, vous voyez là-bas le squelette de, enfin le, je sais pas comment on peut appeler ça, ce qui soutenait quoi l'armure du XVIe siècle. Il y a dans la chambre jaune encore le squelette qui soutenait l'armure quoi du samouraï. Et tout ça, dans le musée, on va recréer la chambre jaune avec l'armoire et toute sa vitrine. Donc tout, comme on a des photos, tout va être recréé. On va vraiment pas voir avec sa table de dessin, ses miroirs, et vraiment tout pour donner l'ambiance. Ce que j'aurais voulu, c'est avoir le poêle, son fameux poêle où il se chauffait toujours au bois. Mais ça, le beau-fils ne veut pas nous le vendre. Il veut le laisser, il veut le vendre avec la maison. Alors, alors ça c'est un peu dommage parce que ça fait partie à ces cheminées avec ce vieux poêle. C'était un poêle grégoire et où on brûle tout, mais il brûlait ses bûches quand il faisait très froid et ça c'était, il se mettait près de son feu comme ça, c'était vraiment à Jacobs quoi. Enfin. Mais donc, il va avoir donc le musée, donc un musée donc Jacobs quoi, avec Hergé, c'est-à-dire c'est au centre de la musée de la BD quand à Bruxelles. Et là, on aura une salle entière réservée à Jacobs, où là on compte faire donc ce musée. Mais on compte aussi faire un autre musée ailleurs. Dans la société, c'est-à-dire le studio Jacobs qu'il a créé. Donc qui est, le studio Jacobs, au fond, c'est quelque chose de tout à fait indépendant entre les maisons d'édition, donc, puisqu'il y a toujours les éditions du Nuremberg qui ont une partie des droits, et les éditions Blick et Mortimer, et la fondation. Parce que comme la fondation ne peut pas, ne peut rien faire commercialement, il faut donc une société qui s'occupe de, qui est entre les deux, quoi. Et la société, donc le studio Jacobs, aura la charge de faire ça tous deux, et avec Bob Demore, donc, et s'occuper de la fondation, donc organiser les expositions, lui donner l'argent pour les prix, le prix Jacobs quoi, qu'on va organiser chaque année. Donc c'est toute une. Mais avant de mettre tout ça vraiment les pions, ça va prendre du temps. Hein. Donc moi je crois que tout ça sera opérationnel que fin de l'année. Quoi. Une page. C'est-à-dire que vous avez vu à l'entrée, là, il y avait ces carnets qui étaient dans la pluie, qui étaient mouillés, et c'est au fond, ils allaient jeter ça, ou je ne sais pas, où ils ont oublié, ça c'est le beau-fils qui a oublié, j'essaie de. Parce que tout est mouillé, ce sont donc des notes d'Edgar, et on voit, il marque donc tiraillé par deux vocations, musique-dessin, alors. Oui, ça attendait l'histoire. Attendez. Alors il met, ça c'est amusant de voir ces papiers. Il mettait toujours différentes couleurs, comme ça. Rouge et bleu. Rouge et bleu, oui. Au risque de paraître ridicule, je vois, je ressens toute chose de façon lyrique, c'est-à-dire passionnée et romantique. Pour moi, l'opéra est une histoire chantée et la BD un opéra dessiné. La BD est une sorte de prolongement du théâtre lyrique. Alors il m'est venu à la BD contraint et forcé. Oui, c'est écrit de la main d'Edgar. Alors, vos mémoires, c'est sans doute pour vous qu'il avait fait ça. Parce qu'il voulait, il avait fait, pour si vous étiez venu en décembre, que si tout s'était arrangé, il avait préparé toutes sortes de choses. Il avait déjà préparé donc oui, l'entretien. Oui, parce que lui, il aimait bien préparer l'entretien, tout ça. Pourquoi ce titre, je ne sais pas quel titre c'est, cheminement. C'est vrai que je lui avais envoyé à sa demande un certain nombre de questions. Oui. Et alors il avait. Oui. Je retrouve les réponses. Oui, ah oui. Vous voyez, mais en somme, la BD a été, et il a en grand souligné, un accident. Ce qui ne me manque le plus dans la BD, c'est l'absence de sonorisation. Ouais. Alors ici, je trouve encore une autre feuille, parce que je les ai déchirées de ce carnet pour les essuyer, parce qu'elles sont mouillées. 41, bravo. Bravo. Club très fermé. Club très fermé, oui, c'est le journal Bravo. Donc il a fait des illustrations. L'essentiel du journal est constitué de matériel américain. Flash Gordon, suite et fin, première SF. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Science-fiction. Science-fiction, oui. Vous êtes... Alors, rayon U dans le style Raymond. Donc, Raymond, dans le style Raymond. Petit à petit, je me dégage du style Raymond. C'était Flash Gordon, c'est dessiné par... comment il s'appelle ce type ? C'est Raymond, il s'appelle... Il serait Raymond, je sais pas. Voilà, donc... Et ici, j'ai encore une page que je vais défaire. Hergé, que... première rencontre, galerie. Regardez ça. Oh, oui, oui. Je crois que c'est mieux que j'y suis, ça ou quoi ? Attendez, parce que tout est mouillé. Je vais mettre... Heureusement que j'ai une couverture pour essuyer tout ça. Attendez, parce que... Ah là là, les gens n'ont respect de rien. Ça, c'est encore un coup. Je dirais pas de la marque jaune, mais... Donc ici... RG, première rencontre galerie, je suis à la moitié du rayon U. Première collaboration le 1er janvier 1944. Cette collabo n'interrompt pas ma collaboration à Bravo, qui se prolonge jusqu'en juillet 1946. Libération, n'arrête pas de ma production. De 1944-1946, dessins de guerre pour magazine Stop ABC, Olaf, Essai, Tintin. 46, donc il y a les trois mousquetaires, ils étaient quatre, quoi. C'est... Lodi Hergé, Cuvelier et moi. Mm-hmm. Alors, en effet, Roland Lollardy, c'est pas donc Guerre des Mondes qui... Mais Roland Lollardy, donc, ça, c'est une histoire qui n'a pas réalisé, et c'est resté à l'état de synopsis. Et... Anglais, pourquoi anglais ? Because, s'adapte mieux aux situations insolites, bizarres, plus l'humour anglais qui détend et fait passer plus aisément les moments trop dramatiques. Je quitte Hergé. Donc, alors, Guerre des Mondes, technique plus artistique, aisance du croquis, spontanéité. Oui, ça dit qu'il était un peu contre la ligne claire, parce que la ligne claire, c'était une technique. Il préférait donc le dessin comme le rayon U, avec des lavis, même avec le doigt, il travaillait, donc il mettait de l'encre sur ses doigts, il frottait comme ça. Et parce que pour lui, la ligne claire, c'était embêtant comme tout. Et elle a été au fond imaginée pour une question technique, donc ça n'a rien à voir avec un style, c'est une facilité technique pour l'imprimerie, la ligne claire. On dit que c'est Hergé qui a inventé ça, il n'a rien du tout inventé, c'était une question purement d'imprimerie. Le dessin se mêle, et c'est un brique en fond dans la musique et vice-versa. Ainsi, ma connaissance du costume historique m'a beaucoup aidé pour porter les costumes de théâtre. J'avais mis au point une série de petits accessoires qui transformaient complètement ces costumes qui venait du Havre, je crois, à ce moment-là, qui était beau, mais qui devait être adapté, en somme. Par exemple, pour les collerettes, pour pointes, où il y avait moyen de faire quelque chose à peu de frais. Et j'avais établi, ainsi pour mes bottes, avec une paire de bottes, je faisais six époques différentes, simplement par une combinaison de rajoutes ou de pièces rapportées, enfin... Et donc, vous voyez que la partie dessin m'aidait encore dans mon travail de chant. Et la même chose pour les têtes, enfin, parce que ma connaissance du dessin me permettait à me faire des têtes de composition amusantes. et qui intéressait toujours le metteur en scène, qui attendait toujours, quand on faisait une première, alors, il attendait pour voir ce que j'avais fait de ce rôle. Et je me rappelle, il attendait à l'entrée, au bas de l'escalier de service. Voilà, parce que au lieu de mettre la fraise idiote qu'avaient mis tous les copains ou les choristes, j'avais mis simplement un col rabattu mais avec un hausse col en dessous. Enfin, ce sont des détails, mais c'est pour vous dire jusqu'où ça peut aller, enfin, ce genre de truc. J'ai fait des maquettes de décors et des maquettes de costumes. J'ai fait des quantités de maquettes de costumes pendant ce temps-là et des maquettes de décors. Je décidais autant que je chantais, enfin. Alors, vous voyez, pour chaque chose, il écrivait d'abord au crayon. Comme les dédicaces, ça mettait beaucoup de temps avant d'avoir une dédicace parce qu'il mesurait vraiment tout, il traçait une ligne au crayon, il écrivait au crayon, puis il écrivait à l'encre et il gommait. Et vous avez ici, vous voyez, encore le crayon. Même pour des notes comme ça, il faisait tout. Alors ici, il reste pas. Donc c'est vraiment des archives fantastiques ici que je découvre, qui se trouvaient dans la pluie et qui étaient oubliées dans la fuite. Comme si on avait oublié, les voleurs avaient oublié, c'est ça, laisser tomber, ça. C'est quand même fou. Donc ça, c'est l'opéra, Pyramide, il a fait 105 ans, à cette époque, la BD. Philippe Biermé. Ah oui, il fascinait depuis toujours, parce qu'il mettait des couleurs différentes, alors, oui, à l'époque, il a pris un Agnaton parce qu'il n'était pas à la mode. Plateau de Gizeh, donc, Canal, attendez. Malgré le succès, malgré le succès, donc c'est sans doute pour la Pyramide. Un ensemble de préjugés, vieux tabous, complexes, jugements, arbitraires. C'est tout des mots qu'il a mis. C'était sans doute des pense-bêtes pour l'interview, comme ça. Enfin, je dis pense-bêtes. Alors, Marc Jaune. Il s'en est fallu de peu que l'on aille jusqu'au bout. Je sais qu'il y a eu des problèmes à faire la fin. La France voulait censurer donc l'histoire parce qu'elle était un peu trop forte pour l'époque. Alors, il y a toujours eu des censures. Dans des illustrations, tramer les jambes. Ah oui, voilà, le fameux tramer les jambes à Paris Bon Père, entre parenthèses, menace d'interdire la lecture de Tintin. Vous voyez ça. Heureusement, la marque jaune n'a pas soulevé que des problèmes morbides, érotiques. Oui, ça c'est. Oui, parce que donc il y avait une vignette où il y avait donc Septimus qui lisait une revue, mais qui était comme un Paris Match, qui était donc où il y avait une ballerine qui était représentée. Et alors, on a obligé donc pour la sortie de l'album. Au studio donc Tintin, de mettre de rayer les jambes. Mais alors, ça fait pire, parce qu'on a dit, au lieu d'être une ballerine, c'est devenu une fille de joie, une fille d'un quelconque. Et alors, ça fait encore pire. Et ça, c'est la réaction. Donc, c'était vraiment pas bien pensé, cette histoire. Maintenant, si ces bons pères à Paris devaient voir la BD actuellement, je crois qu'ils attraperaient des cheveux gris. Alors ici, la folie, qu'est-ce qu'il met? Ça, je ne sais pas lire. Cher G. Jacobs. Docteur Bataille, revue, tiens, je sais pas. C'est vraiment tout des petites notes que, naturellement, on n'est pas au courant de tout. Alors, science-fiction, merveilleux. Raconter une histoire d'aventure, dépayser. Oui, c'est tout des phrases. Je cherche des. Mais c'est vraiment, regardez ça, c'est fou. Hein. Alors, ici, Grande Pyramide, trop didactique, marque jaune morbide. Donc, ça, thème. À grand spectacle, style space opéra, plutôt opéra tout court. Censure dès la cinquième planche, trop agressive, tiens. Donc de l'Atlantide, ou de quoi? Là, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Hein, qu'est-ce que vous pensez? Censure dès la cinquième planche, trop agressive. Planche 16. Ah oui, oui, oui. Il y avait donc, il a eu une censure également dans, c'est-à-dire qu'en réalité, l'énigme de l'Atlantide devait être en deux tomes. Donc c'était la première partie devait se passer en plein jour, donc avec des mystères comme il faisait souvent. Donc il préparait au fond la seconde, donc avec des secousses volantes, des attaques, cette recherche de cette pierre qui était donc radioactive et que les Atlantes se servaient pour l'énergie et tout. Et puis la deuxième partie était donc ce qui existe actuellement à l'intérieur, donc des terres. Et il a dû condenser tout ça parce que à cette époque-là, il y avait Van der Steen, Willy Van der Steen, qui dessinait Bob et Bobette, et il faisait « Les Martiens sont là ». Alors, à la rédaction du journal Tintin, lui ont dit « Il ne peut pas avoir deux histoires de Martiens, donc il faut supprimer cette partie de secoues volantes ». Alors du coup, il a dû condenser ces deux volumes en un. Et il a eu malgré tout des problèmes parce qu'il avait fait Blake quand il sort donc des couloirs et qu'il arrive sous ce pont qui est cassé, il y avait donc ces espèces de bêtes, je ne saurais jamais dire, qui attaquaient donc Blake. Et c'était tellement horrible qu'il a dû changer cette vignette et mettre des cercles au lieu de mettre ces bêtes. Bon, c'est tout des petites choses. Ensuite, voyons. Char volant, parce que, alors en 61, Wendel, Ernest, en France, on reprend projet aérotrain basé cette fois sur le principe de la répulsion électromagnétique. Oui, tout comme les véhicules Atlantes. Alors, attends, oui, les marques terribles d'hiver 54, ça c'est autre chose. Alors, le phénomène météorologique, oui, c'était basé, ça c'est pour SOS Météor. Donc, c'est tout des notes. Eh ben, dis donc, c'est vraiment fou, hein, ce qu'on trouve ici. Mais ce sont des mots comme ça pour lui. Hein. Attaque surpris du chef. Oui, donc, ça, c'est, au fond, l'histoire de SOS Météor. Il avait imaginé, donc, le scénario, et il avait été voir quelqu'un de la DST pour savoir si c'était une chose possible, si on n'allait pas rire de son histoire. Et alors, après qu'il ait raconté tout l'histoire, le patron de la DST, lui, enfin c'était, paraît-il, pas le patron, mais en fait c'était un tout grand de la DST, lui a dit, vous voyez sur mon bureau, il y a cette pile, eh bien c'est exactement ce que vous venez me raconter. Donc c'est une histoire qui pourrait être authentique, et il est sorti de là, baba, hein, il ne s'attendait pas. Donc, oui, c'est l'éclair boule. C'est d'ailleurs, il a repris ça avant, puisque SOS Météor est après sa collaboration avec Hergé. Dans les 7 boules de cristal, il y a aussi cette boule de feu qui pénètre donc, et qui enlève la momie. Et le scénario au fond des 7 boules de cristal est de Jacobs. Napin, qu'est-ce qu'il met ? L'ORTF France. Ah oui, donc il y a eu 26 épisodes, donc c'est Jacques Morel et Jean Servais. Il y a aussi donc l'ORTF, donc c'était SOS Météor et le piège diabolique qui sont passés à l'ORTF et qu'il faudrait essayer de retrouver. Moi j'ai les bandes, je les ai retrouvées parce qu'il a dû signer presque de son sang, il les a achetées et il a dû signer de son sang comme quoi il ne pouvait pas les utiliser en public. Mais je pense que si on trouve quelqu'un à l'ORTF qui veut bien lui accorder les droits. Il parle peut-être de Sato. Ben je vais chercher. Piège ici. On va voir ce qu'il a raconté. US comme les. Attendez, expression. Afin de respecter les règles traditionnelles, donc sur ce endroit de grande ampleur. La Beauve. Attendez. Censure. C'est le secrétariat d'État à l'information, avisait l'édition d'Argo, sans doute, oui, que le piège interdit d'importation en France par la commission de surveillance et de contrôle de la presse enfantine, en raison des nombreuses violences et de la hideur des images illustrant ce récit scientifique. Enfin, ça fait. Qu'est-ce que c'est ? Donc, il a été censuré en France, mais les Français passaient la frontière pour l'acheter en Belgique. Ce qui, au fond, une censure, quand on peut l'acheter ailleurs, ça fait vendre les bouquins. Hein. Et donc il a eu, au fond, il a eu beaucoup de problèmes. Donc ici, l'ORTF France 2 émettait excellente, donc je lis ça, adaptation radiophonique du piège d'une durée totale de plus ou moins 5 heures, avec une brillante distribution. Jacques Morel, Maurice, comment c'est ce nom ? Tenac. Geneviève Cassil, Jean-Pierre Mariel. Oui, c'est, il joue Foucault, mais c'est fantastique ça. Quand vous entendez Jean-Pierre Mariel, il a une voix, hein, quelque chose. Hein. Alors, Roger Carrel, Jean Rochefort également, et Louis Arbesier. Arbesier. Donc voilà, critique. Attends, on va essayer de voir plus loin. Chat échaudé, qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est le collier. Donc le collier, là, naturellement, est le résultat, il met, d'une mauvaise humeur. C'est-à-dire qu'au fond... D'un mouvement d'humeur. Oui, d'un mouvement d'humeur. C'est-à-dire, comme il a tellement subi de censure, qu'il a fait une histoire qui, pour lui, n'était pas une histoire à lui. Il a tellement censuré lui-même, s'auto-censuré pour éviter des problèmes. Il a eu des problèmes après, parce qu'on lui a dit, mais c'est pas du Jacobs. Et là, il voulait mettre, par exemple, quand Blake et Mortimer pénètrent dans les catacombes, il voulait, parce qu'il avait imaginé, ce qui est, je crois que c'est possible, que les murs avaient enregistré les images. Et alors, il y a eu un grand concert de Saint-Saëns dans les catacombes qui avait été donné au début du siècle. Je crois que c'est au début du siècle. Donc, ils avaient fait, à la sortie de la danse macabre de Saint-Saëns, ils ont donc... fait le grand concert dans les catacombes. De ce qui est mouillé ou pas. Attendez. Déçu, mais par cette suite de coups durs et décidé à éviter le retour de pareilles mésaventures, j'optais délibérément pour un sujet plus simple, accessible à tous. Donc au sujet de l'affaire du collier. Et alors, il met... Bien que dans un premier temps, j'avais pensé lui imprimer une atmosphère fantastique, à cause du décor extraordinaire, en rouge, il met chat échaudé, en me fondant sur... Récit légendaire ou historique, sans doute. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait la catastrophe de Clamart en 61, où il y a eu un éboulement, 20 morts, 25 maisons qui s'étaient écroulées. Qui lui permet de faire réapparaître Ulrich. C'est ça, oui. Il s'est mis donc en rapport avec les services de l'inspection générale de la Seine afin d'obtenir autorisation et plan de ces 300 km. Alors ici, il met... attendez... Ah oui. On ne me pardonna pas d'avoir ravalé Ulrich au rang de simple caïd, chef de truand. Donc cette histoire, pour lui, était un peu la moins bonne, quoi. Je vois Sato. Ah. Oui, et je vois que c'est donc dépaysé, changé de décor. Et alors il a marqué ici, en 66, on dirait qu'il avait qu'il a imaginé cette histoire en 66. Donc, alors ici, retard, entre-temps, par suite de... Donc ça, c'est sans doute pour Sato 2, non ? Oui, c'est ça, pour Sato 2. C'est ça, oui. Donc, entre-temps, par suite de circonstances indépendantes de ma volonté, la deuxième partie s'est trouvée considérablement retardée, dont la réédition vénérable du vénérable Réon U, c'est-à-dire qu'au fond, on lui a demandé directement après Sato 1 de refaire donc, le Réon U. Puis il y a eu la mort de sa femme, il y a eu Gallimard, et... L'opéra de papier. Et l'opéra de papier, donc, et différents autres petits problèmes, quoi. Okay. Mais je vois, rétrospective. C'est la fin. Donc j'avais lu perspective. Ah non, rétrospective. Ce qui est sûr, facétieux, scénariste. Attends, qui présente son dessinement. C'est un peu. Je ne vois pas ce qu'il veut dire par tout ça. En effet, une tâche conteur d'histoire. Il m'aura donné le rare privilège. Mais je ne vois pas ce que ça. Vous voyez quelque chose, un message ? C'est le grand scénariste, il parle du grand, de l'ultime. De l'ultime, oui. Oui, il parlait toujours il appelait Dieu le grand scénariste. Et il engueulait toujours quand il ne trouvait pas quelque chose. Mais quel emmerdeur, il disait. Et alors parfois, il jetait ses dossiers par terre. Il disait, mais il fait... excusez-moi. il m'emmerde, il disait. Et tout est vraiment bien organisé pour m'embêter. Alors il engueulait toujours le grand scénariste. Il disait, ce grand scénariste, qu'est-ce qu'il est ? C'est un auteur. Le seul regret, il met trop tardif. Qu'est-ce que c'est ? Ça les récompenses matérielles honorifiques résultant de 60 années, quête alimentaire dont 40 BD me fait irrésistiblement songer à cette ironique proverbe arabe, Allah envoie des noisettes à ceux qui n'ont plus de dents. Et c'est un peu vrai, c'est la fin de sa vie grâce à un ami qui se trouvait donc aux éditions Lombard, parce qu'aux éditions Lombard, on le strognait, on ne le payait pas de ses droits d'auteur. Et d'ailleurs, moi je viens de découvrir ça également, c'est pour ça que j'ai même des problèmes au bureau. Donc cet ami qui est arrivé comme directeur commercial au Lombard lui a donné enfin ce qu'il avait droit comme droit d'auteur. Et alors à ce moment-là seulement, il a commencé à gagner sa vie. Sinon avant, il devait toujours, il vivait dans la misère. Et c'est ce qu'il dit, hein, c'est que ça arrive à la fin de sa vie. C'est ça qui... Mais c'est souvent comme ça. Hein. C'est rare quand vous... C'est toujours au moment où vous n'en avez pas besoin que vous avez de l'argent. Vous pouvez faire des voyages, mais toute votre vie, vous devez travailler, vous devez avancer. Et c'est quand vous pouvez un peu respirer, que vous avez des problèmes de santé, ou vous n'avez plus la force, que vous avez les moyens. Et ça, c'est un peu ce qu'il a eu, quoi. Parce que lui souhaitait même quitter la Belgique et aller en Suisse pour une question fiscale, mais il n'avait plus la force de le faire. Et comme la plupart des gens quittent la Belgique à cause de certains problèmes financiers, fiscaux, quoi, des contributions qui nous embêtent, surtout ceux qui ont les moyens. Donc, ils voulaient voyager. En février à deux. Là-bas, on était invité parce qu'elle a une belle villa comme ça, très... et lui rêvait d'aller là-bas parce qu'il pouvait enfin voir l'Égypte, parce qu'il n'a jamais su aller en Égypte. Chaque fois, il a eu des problèmes, et au fond, ici aussi, c'est la quatrième fois, je crois, la quatrième fois où le destin n'a pas voulu qu'il parte en Égypte. C'est vraiment fou quand on pense que l'Égypte, depuis son enfance, depuis l'âge de 11 ans, il en rêve et qu'il n'a jamais su y aller, quoi, et qu'il a profité de. Dans la BD pour faire une histoire sur l'Égypte et que chaque fois il a eu des guerres au moment, parce que la Sabena lui avait offert, comme il avait dessiné des avions, la Sabena lui a offert un voyage gratuit en 52, et il y a eu, je crois, un renversement de régime, puis il y a eu la guerre des six jours, il y a eu après il y avait toutes sortes de problèmes, et il n'a jamais su partir, et maintenant qu'on était invité chez Cérès, il est tombé malade. Et puis, voilà. On vient de découvrir des casquettes. Ici, donc, le beau-fils qui vient de jeter donc, toutes les ordures. Il y a même des tableaux, je vois. On a trouvé une casquette, je ne sais pas de quoi. Qu'est-ce que vous pensez? Ça peut être une casquette de qui, ça? D'Ulrich, peut-être. D'Ulrich, oui. Oui, ça a l'air d'être une casquette d'Ulrich, ça. Alors, il y a toutes ces chemises à Edgar qui sont pliées, vous voyez. Ils sont mis dans des sacs poubelles pour être jetés. Et alors, il y a la plaque de sa voiture aussi. Oui, on a vraiment tout jeté. Mais je vois là-bas, plus loin, qu'il y a des tableaux. Vous voyez ça? On peut aller voir ce que c'est. Et là, une femme qui a demandé pour en acheter, elle a dit que non, qu'il ne voulait pas. Qu'est-ce que vous croyez que c'est bizarre, ça? Qu'est-ce que c'est sur bois? C'est donc un tableau sur bois avec des musiciens. Tiens, tiens. C'est sur papier. Des crayons de couleur. Allez, dis. Ça de... Je pense qu'il y a dans ces bois. Attends, ça, une boîte secrète comme ça. Oh, c'est, oh, qu'est-ce que c'est? C'est de la vaseline, c'est ou quoi? De la graisse. La graisse, je sais pas, j'ouvre tout ça, je sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Ah, c'est du papier collant. Oui. Donc ici, c'est des, pour des ça, rustines. Ils étaient sûrement en haut dans, dans le petit grenier à côté de la salle de bain parce qu'ils ont vidé. Ah, ici, il y a des, donc, les modes parisiennes, donc des vieux cadres. Si ça vous intéresse, ça c'est pour la poubelle. Vous voulez un souvenir d'Edgar? Il y en a encore un autre. Et il y a un tableau ici, un vrai tableau. Très joli. Oh, c'est idiot d'avoir vu ça. Ça, je le veux bien. Regardez ça, il suffit de le restaurer. Dites. Oh, il est fou ce type, c'est pas possible. C'est un cul. Mon père qui est restaurateur de tableaux anciens, je peux lui faire restaurer donc la chose. Oh, c'est bien ça, hein, dites. Regardez ça. Très joli. C'est fou, hein. C'est pas une reproduction, hein. C'est un authentique, hein. Enfin, je pense, hein. Il y a juste un petit trou dedans. Là. Un fameux trou, hein. Regarde ça. Vous vous rendez compte? Non, il y a beaucoup à faire. Il y a le nettoyer et tout. Ben, dites. On vient de trouver le chapeau d'Ulrich, qui de l'affaire du collier, dans la poubelle. Donc, vous voyez, c'est vraiment... On dit qu'il n'y a pas de hasard, mais il n'y en a pas, étant donné qu'on se trouve ici en ce moment et qu'on sauve certains documents, c'est-à-dire le chapeau, des archives et un tableau de deux femmes. Un très joli tableau, avec des trous dedans, mais enfin, bon, en le faisant restaurer, il y aurait moyen de le nettoyer, parce que tout ça doit être... Il y a trop, le vernis, donc, a jauni le sujet. Et c'est donc une femme qui a un perroquet, je crois, en main, et une autre qui est derrière elle, tendrement. Et alors, Alida est occupée à fouiller dans les sacs poubelles. Elle a retrouvé le chapeau d'Edgar aussi, quand il est allé en vacances... La seule fois qu'il était allé en vacances, pardon, à la mer, il avait été 2 semaines, et il mettait ce chapeau, et il avait un air très touriste avec ce chapeau, un peu cow-boy, comme ça. Ah, c'est fou, hein. Vous étiez la voisine et l'amie de Jacobs. Oui. Et est-ce que vous pourriez nous faire un portrait de Jacobs? Ben, pour moi, c'est un homme très gentil et très compétent, enfin. Vous le voyez passer, il se promenait dans la journée? Oui. Oui, il allait faire ses courses, il allait un peu partout côté, enfin. Oui. Il vous parlait un peu, il passait un moment avec vous? Oui, le matin quand j'arrivais, il m'entendait. J'allais pour 9h, il m'entendait, on parlait un petit peu là. Et alors il montait dans son atelier et travaillait. Il m'a dit qu'il préparait toujours un peu de café. Oui, ça oui, il m'entendait toujours avec sa tasse de café, ça oui. Ça oui. Mais... Vraiment dire, quand il était très bien, enfin, dans la journée, ça, il ne me parlait pas beaucoup, parce qu'alors, il était souvent en haut, hein. Là, juste le dernier temps qu'on parlait plus, parce qu'il ne travaillait plus, alors. Bon, sinon... Vous parliez de quoi? Il vous parlait de quoi? Un peu de toutes sortes, enfin, de ses livres qu'il avait fait, qu'il avait travaillé beaucoup. S'il avait su qu'il n'aurait pas travaillé tant, surtout la nuit. Parce que c'était toujours la nuit, lui, qui travaillait. Alors il a dit que si c'était à recommencer, qu'il ne travaillerait plus tard la nuit. Il y a un peu toutes sortes d'affaires comme ça, enfin. Je sais pas. Une belle histoire à raconter, une anecdote? Non, je sais pas. Non. Peut-être la fin ou pas, c'était quand tu te souviens. Oui, sur la fin, je me suis beaucoup occupée de lui parce que c'était... J'allais là tous les jours, hein, j'étais là presque nuit et jour, enfin. Alors... C'était au fond la dernière qui s'est occupée de... jour et nuit de lui, quoi, pour qu'il était toujours à ses côtés, quoi. On avait installé un système, donc, de câbles pour l'entendre, pour voir s'il a besoin de quelque chose, pour qu'il soit vraiment pas seul, parce qu'au dernier moment, c'était vraiment... Il a besoin d'avoir toujours quelqu'un à côté de lui, et comme il voulait rester chez lui, il voulait mourir chez lui, donc Alida s'est occupée à... vraiment comme une amie à... près de lui. Ah, oui. Oui, parce qu'à la clinique, quand il est allé à la clinique, si je ne disais pas que je le reprenais, on le mettait dans un home. Ben, là, je ne voyais pas très bien M. Jacob dans un home, alors c'est ça que je l'ai repris, puisqu'il avait toujours dit qu'il voulait mourir chez lui, alors on l'a fait, quoi. Et c'est pour ça que j'ai resté là, près de lui, tout le temps. Sinon, ouais. Mais il est mort chez lui, finalement? Oui, oui. Oui, il est mort vers 3 heures du matin. Ça, oui. Oui. Parce qu'à 2 heures et demie, je l'ai encore entendu respirer. Parce que j'avais même un parlophone ici et un chez lui. Et comme ça, tous les bruits qu'il faisait, tous les mouvements, je l'entendais. S'il prenait son verre pour lui boire, je l'entendais. On avait monté une sonnette aussi. Alors, il sonnait chez moi. Et moi, quand j'avais entendu qu'il sonnait, je ressonnais pour dire que j'arrivais. Alors, et même parfois avec ça, j'entendais le téléphone qui allait, je devais vite courir. Parfois, j'arrivais vite, mais parfois plus. Il y avait le code aussi. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc, il y avait, pour l'atteindre, il y avait un code que seuls les initiés pouvaient. Et quand on sonnait sans cesse, ils ne répondaient jamais. C'était quoi ce code? Ah, ce code, c'est-à-dire que, naturellement, bon, il y avait un signal bien particulier. Donc, et quand il entendait ce signal, il attendait et il reprenait le téléphone après. Donc on décrochait, on avait un certain nombre de coups. C'est-à-dire qu'il y avait encore deux codes, c'est-à-dire qu'il y en avait un pour les initiés et il y en avait un pour nous deux, simplement. Donc il savait quand je faisais une façon le téléphone, il décrochait, quoi. Quand il n'avait vraiment pas envie de prendre le téléphone, alors il savait que c'était moi, alors il décrochait. Et ça, c'était... Alors, on a eu parfois la blague aussi. On avait tellement des problèmes avec le téléphone dans la région que parfois, quand je téléphonais chez lui, j'étais arrivé chez Alida. Ah, ça, oui. Et le contraire, vice-versa. Si on faisait mon numéro, on était chez M. Jacobs. Et si on faisait le numéro de M. Jacobs, on était ici. Alors, il fallait parfois aussi courir. Mais ça, ça n'est arrivé qu'une fois ou deux, je crois. Après, on a prévenu sans passer tout de suite. Mais pour finir, on avait pris une infirmière pour faire sa toilette. Hein. Alors, le kinésiste qui est venu aussi. Mais le kinésiste voulait le faire marcher, il ne voulait pas. Il disait qu'il marchait assez avec moi. Alors, avec lui, il ne voulait jamais marcher. Le kinésiste était fâché. Et alors, pour finir, il n'est plus venu parce qu'il ne voulait plus... Il ne savait plus rien faire, enfin. Parce qu'il ne voulait pas aller à l'hôpital, il voulait... Tu te souviens quand tu l'as trouvé très mal? Ah oui. Oui, à ce moment-là, on est resté 2 heures pour le descendre d'en haut en bas, enfin à 3. Alors, à ce moment-là, Philippe a téléphoné, et je lui ai dit, On a appelé l'ambulance tout de suite. On n'était pas encore en bas des escaliers que l'ambulance était déjà là. Ah oui, c'était lourd. Moi, je le tenais derrière. Je le soutenais derrière. Et mon mari était devant avec mon fils. Mais à chaque marche, il devait s'asseoir. Alors, ça prenait du temps aussi. Il était essoufflé, il ne savait presque plus respirer. Alors, c'est ça qu'on est resté si longtemps. C'était début février, non? Ouais, ma semaine de février. Non, mais avant que je parte en Égypte. Oui, c'était... Fin janvier, hein? Non, début, c'était le mercredi et jeudi. La nuit du mercredi à jeudi qu'il avait eu ce problème de santé. Ce que, tu l'as trouvé. Oui. C'était quelques jours avant que je parte en Égypte. Je ne sais pas si tu te souviens. Ah oui, oui. C'était début février, ça? Oui, début février. Oh, moi, je croyais que c'était fin janvier, déjà. Non. Le jeudi, je suis venu ici. Oui. Le soir. Il a beaucoup de choses qui m'ont frappé. C'est de voir qu'il était seul comme ça et qu'il devait dépendre des étrangers, enfin. Parce que il y avait quand même quelqu'un de sa famille qui aurait pu s'en occuper, mais qui ne voulait pas. Alors... C'est-à-dire que ce n'était pas tout à fait sa famille, c'était le fils de sa femme, quoi. Oui, mais enfin, de toute façon... C'était le plus proche. Oui. Mais enfin, de toute façon, il préférait quand même que ce soit moi qui s'en occupe que lui. Parce que ça, il ne voulait même pas le faire savoir qu'il était en clinique. Hein. Alors... Jacobs. Oui, c'était un peu sa cuisine, comme il l'appelait. Et c'est à 100 mètres d'ici qu'il habitait. Et on venait de temps en temps, après une séance de travail, on venait manger ici, parce que c'était un très bon restaurant, et le patron est très sympathique. Et... Alors, je suppose que Jacobs venait très souvent vous voir, vous parler aussi. Oui, bien sûr, on avait de très fréquents contacts. Il venait ici avec grand plaisir, on allait le voir aussi, on allait lui porter des petites choses chez lui, on avait un excellent contact avec lui. Que vous racontez d'un homme simple, parce que Jacobs, je crois que c'était un homme très simple. Des anecdotes, je n'en ai pas beaucoup. Je crois que c'est lui qui en racontait énormément, c'était un monsieur qui avait une culture générale énorme. Et il aimait beaucoup parler de tous les pays où il avait vécu. On l'entendait souvent parler de l'Égypte, de l'Angleterre. Il n'avait jamais vécu là-bas. Il n'avait jamais vécu. Il y était passé. Il avait, je crois en lui, une somme de documentation, une somme de recherche qu'il avait fait toute sa vie pour écrire ses livres. Il n'en a pas écrit tellement, mais tout s'était fait à la perfection. Et ce monsieur, c'était comme ses livres, c'était la gentillesse, la perfection. Que vous dire de plus? Vous avez des souvenirs ici, Philippe, avec Jacobs? Nous avons fêté un anniversaire dans une petite salle. Comme vous avez vu, toutes ces petites salles sont très sympathiques, très, très chaleureuses. Et alors, on avait fait un gâteau qui avec la marque jaune, avec chocolat. Ça, je vous raconte. Oui, c'est-à-dire qu'on lui avait fait la surprise de faire son gâteau à la marque, de la marque jaune. Et je crois qu'il a passé une soirée assez inoubliable, c'est pour ses 80 ans. Et c'était assez sensationnel. C'était un monsieur qui s'est mouvé assez... comment peut-on dire? Il était assez ému des choses qu'on pouvait lui faire, parce que d'abord, il n'en demandait pas, il ne s'y attendait pas. Alors, je crois que le personnage, pour moi personnellement, je peux pas dire que j'en ai fait le tour parce que c'était, je connaissais pas intimement. Ses proches collaborateurs l'ont certainement mieux connu que moi, mais c'est un grand monsieur de la bande dessinée. Et alors, il y avait pour son anniversaire, il y avait cette jeune fille qui servait, qui était du pays de Nazir, ou Nazir d'origine. Tu te souviens de... Oui, elle venait de Madras, je crois, ou à côté. C'était une fille qui venait de Pondichéry. Et Monsieur Jacobs l'aimait beaucoup. Hein, il l'aimait vraiment beaucoup. Il avait plaisir à la rencontrer. Il parlait de ce pays-là avec elle. C'était très marrant, le contact qu'il pouvait avoir avec les gens ici du coin, notamment ses voisines qui ont travaillé plus de 30 ans chez lui. Enfin, c'est assez remarquable, toute cette petite faune qui s'était créée autour de lui. Ça me fait 60 ans de travail alimentaire, mais 40 ans de bande dessinée, rien que pour la bande dessinée. Alors, si on fait le bilan, bof. Ce qui est sûr, c'est que le facétieux scénariste qui préside à ma destinée m'a eu à l'usure. Parce que vraiment, je ne voulais pas faire du dessin, et la bande dessinée m'était inconnue au moment où je l'ai abordée, enfin. Mais... bon gré, mal gré, j'ai dû m'adapter à son script. Et je dois reconnaître que le rôle qu'il m'a finalement assigné aurait pu être pire. Parce que, en somme, grâce à ce métier, il m'aura été accordé ce rare privilège d'être à la fois l'auteur, l'interprète et le metteur en scène de mon opéra de papier. C'était Edgar P. Jacobs, Le Bois des Pauvres par Jean Dève, réalisation Jean Couturier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 août 1987 avec Philippe Biermé, document d'archives de la Radio-Télévision belge.